Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel, écrivait elle-même des poèmes. Jean de la Croix, qui a travaillé à ses côtés pour la réforme, est considéré comme un très grand poète espagnol. Il s'inspirait des cantiques populaires à la mode pour les transformer en cantiques divins. La petite Thérèse se retrouve à la fois dans la ligne de nos saints fondateurs, en s'inscrivant aussi dans la tradition des Carmels de France en son siècle. Toute fête était l'occasion d'écrire quelques lignes en vers, pour célébrer la prière ou le jubilé d'une des sœurs, pour Noël ou autre fête. Thérèse commence par écrire des poésies à la demande de ses consœurs, mais elle découvre vite qu'il y a là un moyen d'expression des élans de son cœur plus puissant que la prose. Marc Hemdan, d'après, Archives Carmel Lisieux.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial. Sainte Cécile, PN3, datation, 28 avril 1894, destinataire, Céline, sœur Geneviève. La poésie est écrite pour l'anniversaire de Céline, née à Alençon le 28 avril 1869. Cette dernière s'occupe alors de son père malade, rentré du Bon Sauveur, et elle rêve un peu d'amour. Thérèse, elle, rêve du Carmel pour sa sœur chérie, et elle joint cette poésie à une lettre qui l'explique bien. Lettre, LT, 161 qui suit. Pendant le son des instruments, Cécile chantait en son cœur, Office de l'Église, ô Sainte bien-aimée, je contemple ravi, le sillon lumineux qui demeure après toi, je crois entendre encore ta douce mélodie, oui, ton céleste chant arrive jusqu'à moi, de mon âme exilée, écoute la prière, laisse-moi reposer sur ton cœur virginal, ce lys immaculé qui brilla sur la terre, d'un éclat merveilleux et presque sans égal. Ô très chaste colombe, en traversant la vie, tu ne cherches à jamais d'autre époux que Jésus, ayant choisi ton âme, il se l'était uni la trouvant embaumée de toutes les vertus. Cependant immortel, radieux de jeunesse, respire à ton parfum, blanche et céleste fleur. Afin de te cueillir, de gagner ta tendresse, Valérien voulut te donner tout son cœur. Bientôt il prépara des noces magnifiques, son palais retentit de chants mélodieux. Mais ton cœur virginal redisait des cantiques, dont l'écho tout divin s'élevait jusqu'aux cieux. Que pouvais-tu chanter, si loin de ta patrie, et voyant près de toi ce fragile mortel? Sans doute tu voulais abandonner la vie, et t'unir pour toujours à Jésus dans le ciel. Mais non, j'entends vibrer ta lyre séraphique, lyre de ton amour dont l'accent fut si doux, tu chantais au Seigneur ce sublime cantique, conserve mon cœur pur, Jésus mon tendre époux, ineffable abandon, divine mélodie, tu dévoiles l'amour par ton céleste chant, l'amour qui ne craint pas, qui s'endort, et s'oublie sur le cœur de son Dieu, comme un petit enfant. Dans la voûte azurée parut la blanche étoile, qui venait éclairer de ses timides feux, la lumineuse nuit qui nous montra sans voile, le virginal amour des époux dans les cieux. Alors Valérien rêvait la jouissance, Cécile, ton amour était tout son désir. Il trouva le bonheur dans ta noble alliance, tu lui montras la vie qui ne doit pas finir. Jeune ami, lui dis-tu, près de moi toujours veille, un ange du Seigneur qui garde mon cœur pur, il ne me quitte pas, alors que je sommeille, il me couvre avec joie de ses ailes d'azur. La nuit, je vois briller son aimable visage, d'un éclat bien plus doux que les feux du matin, sa face me paraît la transparente image, le pur rayonnement du visage divin, Valérien reprit, montre-moi ce bel ange, afin qu'à ton serment je puisse ajouter foi. Autrement, crains déjà que mon amour se change, en terrible fureur, en haine contre toi, ô colombe cachée dans le creux de la pierre. Tu ne redoutais pas les filets du chasseur, la face de Jésus te montrait sa lumière, l'évangile sacré reposait sur ton cœur. Tu repris aussitôt avec un doux sourire, mon céleste gardien exauce ton désir, bientôt tu le verras, il daignera te dire, que pour voler aux cieux, tu dois être martyr. Mais avant de le voir, il faut que le baptême, répande dans ton âme une sainte blancheur, il faut que le vrai Dieu l'habite par lui-même, il faut que l'Esprit Saint soit la vie de ton cœur. Le Verbe, Fils de Dieu et le Fils de Marie, dans son immense amour s'immole sur l'autel, tu dois aller t'asseoir au banquet de la vie, afin de recevoir Jésus le pain du ciel. Alors, le séraphin t'appellera son frère, et voyant dans ton cœur le trône de son Dieu, il te fera quitter les plages de la terre, tu verras le séjour de cet esprit de feu, je sens brûler mon cœur d'une nouvelle flamme, s'écria dans sa joie l'ardent patricien. Je veux que le vrai Dieu habite dans mon âme, Cécile, mon amour sera digne du tien, revêtu de l'arôme emblème d'innocence. Valérien put voir le bel ange des cieux, il contempla ravi sa sublime puissance, il vit le doux éclat de son front radieux, le brillant séraphin tenait de fraîches roses, mélangées de beaux lys éclatants de blancheur. Dans les jardins du ciel, ses fleurs étaient écloses, sous les rayons d'amour de l'astre créateur. Époux chéri des cieux, les roses du martyr couronneront vos fronts, dit l'ange du Seigneur, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de lyre, capable de chanter cette grande faveur. Je m'abîme en mon Dieu, je contemple ses charmes, mais je ne puis pour lui m'immoler et souffrir, je ne puis lui donner ni mon sang ni mes larmes, malgré tout mon amour, je ne saurais mourir. La pureté, de l'ange et le brillant partage, son immense bonheur ne doit jamais finir, mais sur le séraphin, vous avez l'avantage, vous pouvez être pur, et vous pouvez souffrir. De la virginité, vous voyez le symbole, dans ces lys embaumés que vous envoie l'agneau, vous serez couronné de la blanche auréole, vous chanterez toujours le cantique nouveau, votre chaste union enfantera des âmes, qui ne rechercheront d'autre époux que Jésus, vous les verrez briller comme de pures flammes, près du trône divin, au séjour des élus, Cécile, prête-moi ta douce mélodie, je voudrais convertir à Jésus tant de cœurs. Je voudrais comme toi sacrifier ma vie, je voudrais lui donner mon sang et mes pleurs. Obtiens-moi de goûter sur la rive étrangère, le parfait abandon, ce doux fruit de l'amour. Ô ma sainte chérie bientôt, loin de la terre, obtiens-moi de voler près de toi sans retour. Lettre 161. J.M.J.T. Jésus, le 26 avril 1894, chère petite lyre de Jésus. Pour chanter tes 25 ans je t'envoie une petite poésie que j'ai composée en pensant à toi. Céline, je suis sûre que tu vas comprendre tout ce que mon cantique voudrait te dire. Hélas, il faudrait une autre langue pour exprimer la beauté de l'abandon d'une âme entre les mains de Jésus. Mon cœur n'a pu que balbutier ce qu'il ressent. Céline, l'histoire de Cécile, la sainte de l'abandon, est aussi ton histoire. Jésus a placé près de toi un ange des cieux qui te garde toujours. Il te porte entre ses mains de peur que ton pied ne heurte contre la pierre, tu ne le vois pas, et cependant c'est lui qui depuis 25 ans a préservé ton âme, qui lui a conservé sa blancheur virginale, c'est lui qui éloigne de toi les occasions de péché, c'est lui qui s'est montré à toi dans un rêve mystérieux qu'il t'a envoyé dans ton enfance. Tu voyais un ange portant un flambeau et qui marchait devant notre Père chéri. Sans doute il voulait te faire comprendre la mission que tu aurais à remplir. C'est toi maintenant qui es l'ange visible de celui qui bientôt ira s'unir aux anges de la cité céleste. Céline, ne crains pas les orages de la terre. Ton ange gardien te couvre de ses ailes et dans ton cœur repose Jésus, la pureté des vierges, tu ne vois pas tes trésors, Jésus sommeille et l'ange reste dans son mystérieux silence. Cependant ils sont là avec Marie qui te cache elle aussi sous son voile. Ne crains pas, ma Céline chérie, tant que ta lyre ne cessera pas de chanter pour Jésus, jamais elle ne se brisera. Sans doute elle est fragile, plus fragile que le cristal, si tu la donnais à un musicien inexpérimenté, bientôt elle serait brisée, mais c'est Jésus qui fait vibrer la lyre de ton cœur. Il est heureux que tu sentes ta faiblesse, c'est lui qui imprime dans ton âme les sentiments de défiance d'elle-même. Céline chérie, remercie Jésus. Il te comble de ses grâces de choix, si toujours tu restes fidèle à lui faire plaisir dans les petites choses, lui se trouvera obligé de t'aider dans les grandes. Les apôtres sans notre Seigneur travaillèrent toute la nuit et ne prirent pas de poisson, mais leur travail était agréable à Jésus, il voulait leur prouver que lui seul peut nous donner quelque chose, il voulait que les apôtres s'humilient. Enfants, leur dit-il, n'avez-vous rien à manger? Ah, Seigneur, répondit Saint-Pierre, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Peut-être que s'il eût pris quelques petits poissons Jésus n'aurait pas fait de miracle, mais il n'avait rien, Aussi Jésus remplit bientôt son filet de manière à le faire presque rompre. Voilà bien le caractère de Jésus. Il donne en Dieu mais il veut l'humilité du cœur. Toute la terre est devant lui comme ce petit grain de sable qui donne à peine la moindre inclination à la balance ou comme une goutte de rosée du matin qui tombe sur la terre. Sagesse chapitre 11, Céline chérie, si tu peux me lire c'est bien extraordinaire mais je n'ai pas le temps de regarder à deux fois ce que je t'écris. Le temps passe comme une ombre, bientôt nous serons réunis là-haut. Jésus n'a-t-il pas dit pendant sa passion, mais au reste, vous verrez bientôt le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et y venir sur les nuées du ciel. Nous y serons. Thérèse de l'enfant Jésus, Thérèse joint une minuscule image qu'elle a colorée elle-même, voir la lettre suivante, lettre 162.